Bonjour à toutes et à tous. Ce soir, on va faire une musicale sur les musiques contestataires en Afrique. On va partir de l'Afrique du Sud et puis on va remonter surtout par l'Ouest. On va écouter pas mal de rap, on va écouter aussi du blues, on va écouter du punk rock, on va écouter du reggae. Je vous ai trouvé quelques petites pépites. Et on va commencer gentiment par Skip and Die, qui est un groupe d'Afrique du Sud. Plus précisément, la chanteuse Kata Pirata est sud-africaine et le musicien Jory Collignon est néerlandais. Mais ils ont le mérite d'être anticapitalistes et on va écouter un de leurs morceaux les plus connus, qui s'appelle Jungle Riot, donc on peut traduire par émeute dans la jungle. Et voilà. Suite du programme, nous allons partir en République démocratique du Congo. La RDC, c'est un pays vraiment qui se fait piller, hein, puisque c'est un des pays au niveau des ressources naturelles qui fait partie des pays les plus riches de la planète. Ils ont du pétrole, ils ont de l'or, ils ont des diamants, ils ont du cobalt, ils ont tout, et pourtant ils restent très très pauvres, et donc il y a une corruption qui est très très forte là-bas. Et on va écouter Lexus Legal, qui est un rappeur et un slammer de République démocratique du Congo. Et on va écouter deux chansons de lui d'affilée, entrecoupées d'un petit extrait d'un interview que j'ai trouvé de lui pour la sortie de son dernier album qui s'appelle Léopard. Et donc on va écouter tout d'abord Chez nous, qui est plutôt en mode slam, l'interview, puis Congo Bololo, plutôt en mode rap. Il y a des pendules en prison, mais le temps n'est pas aux arrêts. Yeah. Quand l'hiver gâche nos printemps, la révolution des saisons sèche, faute des pluies, des poissons que nous fument, rêve des rivières. Yeah. Brisons le silence sans handicaper la parole. C'est vrai que la répression a pris des ailes, mais la résistance garde encore des plumes. Aïe, yélé, yélé, yélé, oh, aïe. Yélé, yélé, yélé, oh, andimo, tanani, mahambo, ma. On se calme, ce n'est pas encore un coup d'état. C'est juste un éclat d'un coup du coup. Slam, slam. Dans les pénuages de fumée, l'espoir s'asphyxie. À croire que depuis les années 60, les 30 joints sont restés allumés. Yeah, chez nous, l'honneur face à l'argent n'a plus rien d'alléchant. Amnistié, les criminels en costard n'ont plus rien de méchant. Quand on sème plus de corps au cimetière que le riz dans un champ, comment s'étonner de la récolte au bout du sang? L'arrogance lyrique d'un seigneur défiant son roi. Étouffé à terre, n'a comme choix que de prendre le large. Défier la mer, prendre le risque de se fracasser à la côte ou d'échouer sur une plage. Plage, plage. Qui dort par terre ne craint plus de tomber du lit. Yeah, yeah, yeah. Comment trouver la voie de sa foi entre ceux qui tuent à la croix et ceux qui égorgent à l'écran? Peu importe la manière, victime du coltan, diamant, or noir, surtout pas d'éveil du volcan. Comment, comment, comment, comment? Dans un ring, qu'importe la puissance d'un homme, fort, man. Le peuple aura toujours les derniers mots. Ahmed, allez, yeah. Chez nous, l'honneur face à l'argent n'a plus rien d'alléchant. Nu, les changements se trimballent à vive voix, hurle, à main nue, arpente la rue publique. Pour attenter à la pudeur, on sort des tanks de la République. La puissance d'un homme fort, man. Le peuple aura toujours le dernier mot. Ahmed, allez. Quand on sème plus de corps au cimetière que le riz dans un champ, qu'on ne s'étonne pas de la récolte au bout du sang. Yeah. Dans un épais nuage de fumée, l'espoir s'asphyxie. À croire que depuis les années 60, les 30 joints sont restés allumés. Quand on écoute ton œuvre, quand on écoute tes chansons, il y a un fort discours à résonance sociale. Et puis quand on va un peu plus loin, un fort discours à résonance internationale, il y a de la géopolitique, il y a du social, il y a du culturel. Si tu dois qualifier ta musique avant de rentrer dans le fil de ta vie, tu mettrais quel terme pour être le plus fidèle possible et pas trop réducteur? La justice sociale, à peu près ça. La justice sociale. Tout simplement parce que j'estime que, peu importe le bord politique, comment on peut aborder la situation, ce qui compte au finish, c'est que la population arrive à se retrouver. Mais partout, hein, ça peut être en Afrique, ça peut être ailleurs. C'est le même combat partout. Et quand je parle de justice sociale, c'est aussi la redistribution du bien commun, de ce que l'on a, du peu que l'on a, que l'on peut redistribuer à la population. Pas qu'une élite s'accapare de 80 ou 90% et que la population en général se partage le miette D'accord. C'est de ça que je parle. C'est de la justice sociale. Et ça englobe à peu près tout. C'est à peu près ça, la vision, ou tout simplement, c'est que je poursuis dans ma musique. Suite de notre voyage, on va aller au Gabon. Alors, faut savoir que depuis 1968, au Gabon, c'est la même famille qui est au pouvoir, la famille Bongo, avec le soutien indéfectible de la France, bien sûr. Ali Bongo, qui est toujours au pouvoir depuis 2009. Une fois qu'il est arrivé, il a mis en place une répression sanglante contre l'opposition, avec des arrestations arbitraires. Il y a eu des tas de disparitions inexpliquées, etc., etc. Et donc, la chanson qu'on va écouter s'appelle « Ojukwu », qui est en fait le surnom donné à Ali Bongo. C'est Koba Building qui chante. C'est une chanson en fait qui s'adresse directement au président. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans pas mal de chansons contestataires en Afrique et surtout au niveau du rap, où on a beaucoup de rappeurs en fait qui s'adressent directement aux autorités, on va dire, avec des lettres ouvertes ou sous forme un peu de doléances où ils veulent se faire vraiment la voix du peuple. On verra un peu plus tard que il peut y avoir un réel poids politique, notamment avec la révolution en Tunisie. Mais pour l'instant, on reste au Gabon avec Ojukwu de Koba Building. Ghetto Bling Soldier. The Irish. Freedom Ojukwu, tu nous avais promis une meilleure vie. Et Ojukwu, tu as fait couler le sang dans mon pays. Et Ojukwu, tu aurais pu faire mieux que lui. Et Ojukwu, je suis d'une jeunesse qui a tout compris. Tu veux garder le trône juste pour que ta bêtise pérennise. Aucune mention requise, je fais ce que je veux jusqu'à ce que cela se termine. L'objectif est clair, dire le plus de vérité avant qu'on m'élimine. Sous le poids de nos rimes, on va faire écrouler ton régime. Je suis contre la France-Afrique, je suis contre ta politique. Je suis contre tout ce qui te représente, je suis contre tes artistes. Ni école, ni logement, ni alcool, ni pansement. C'est en haut pouvoir dans le crime et le divertissement. Ne vois-tu pas que tu nous diriges dans le fossé? Aujourd'hui ta milice tire sur des gens désarmés. Dis-moi pourquoi t'essayes de t'imposer. Toi-même tu sais qu'on ne t'a jamais voté. Ojukwu, tu nous avais promis une meilleure vie. Et Ojukwu, tu as fait couler le sang dans mon pays. Et Ojukwu, tu aurais pu faire mieux que lui. Et Ojukwu, je suis d'une jeunesse qui a tout compris. On ne te suit pas, Shibaman. Ojukwu, on ne te suit pas, Shibaman. Ojukwu, on ne te suit pas, Shibaman. Ojukwu, on ne te suit pas, Shibaman. Ojukwu. Derrière les menteurs sont cachés des voleurs sans fierté ni honneur. Mon drapeau tricolore de paix se retrouve entaché par tes horreurs. Le peuple est en deuil, Ojukwu, entends-tu les pleurs? La CPI vous guette, Ndami, je crois qu'il est l'heure. Tu appauvris les vieux, tu démembres les mineurs. Pas étonnant que nous fassons les mineurs. Les panthères sont debout, la main sur le cœur. Tu peux tirer sur nous, jamais l'idée ne meurt. Tu serais parti avec dignité, on aurait fermé les yeux sur ton bilan. Tu n'es pas beau, tu n'es pas intelligent. Tu es un très très mauvais dirigeant. Ne vois-tu pas que tu nous diriges dans le fossé? Aujourd'hui ta milice tire sur des gens désarmés. Dis-moi pourquoi t'essayes de t'imposer. Toi-même tu sais qu'on ne t'a jamais voté. Ojukwu, tu nous avais promis une meilleure vie. Et Ojukwu, tu as fait couler le sang dans mon pays. Et Ojukwu, tu aurais pu faire mieux que lui. Et Ojukwu, je suis d'une jeunesse qui a tout compris. On ne te suit pas, Shibaman. Ojukwu, on ne te suit pas, Shibaman. Ojukwu, on ne te suit pas, Shibaman. Ojukwu, on ne te suit pas, Shibaman. Ojukwu, Ojukwu, Ojukwu, Ojukwu, Ojukwu, Ojukwu, Ojukwu, flex. Ojukwu, Ojukwu, Shibaman, flex. On continue notre remontée vers le nord de l'Afrique en passant par le Niger pour écouter Zara Moussa, qui est une rappeuse nigérienne très engagée politiquement et féministe. La chanson s'appelle Marrage. C'est vraiment, on sent que ça vient des tripes. Et c'est très très fort. Voilà, Marrage de Zara Moussa. Marrage, ma peine, ma haine, marrage, ma peine, ma haine, marrage, ma peine, ma haine n'est pas d'être une femme. C'est de me taire quand je dois m'exprimer, de ne pas pouvoir. peine. Ma haine. Ma rage, ma peine, ma haine. C'est quand je vois mes sœurs en milieu rural, celles qui n'ont jamais compris. C'est là qui on a tout pris. Celles qui subissent avec le sourire son destin, souffrir, survivre, mourir. Pourtant, toute sa vie, elle a tout donné. Citoyenne modèle, les impôts payés. Femme soumise, mon exemple de la société. Bien que le niveau de vie en dessous du seuil de la pauvreté. Programme d'ajustement mal structuré. Le passé passé, ma rage, c'est d'être face à toute cette injustice et de ne pouvoir rien changer. Et voilà, c'était Zara Moussa sur Radio Cayenne. Et on va continuer notre escale, cette fois-ci pas pour nous rendre dans un pays, puisqu'on va aller à la rencontre du peuple Touareg. Donc il faut savoir que le peuple Touareg, en fait, ils sont en fait dispatchés, on va dire, dans plusieurs pays. Hein, ils sont étalés entre le Mali, le Niger, l'Algérie et la Libye principalement. Donc en fait, quand la France a colonisé toute cette partie de l'Afrique, il faut savoir que les Touaregs ont été le dernier peuple à être soumis par les Français. Et ils se sont très souvent rebellés. Et quand la France a quitté l'Afrique au début des années 60, et ben étrangement, on leur a pas donné de territoire, et ça a vraiment créé... énormément de conflits ensuite, surtout au Mali et au Niger d'ailleurs. Et faut savoir que y a toute une partie du peuple Touareg qui a été contraint de partir en exil. Quelquefois, on leur a promis qu'ils pouvaient rentrer, mais en fait, ils ont été parqués dans des camps. Il y a eu plusieurs révoltes, des accords de paix signés, des accords de paix non respectés. En fait, le groupe qu'on va écouter, qui s'appelle Tammy Crest, il et elle chantent en tamashek, qui est une des langues principales touareg. Et la plupart des membres de ce groupe ont perdu des proches lorsque les touaregs se sont soulevés dans les années 90 pour demander plus d'indépendance, plus d'autonomie. En 2006, il y a de nouvelles rébellions et c'est aussi l'année de la formation de ce groupe. Donc, qui se sont formés pour soutenir la lutte, pour soutenir le peuple Touareg. Donc, ils chantent en fait ce qu'on appelle du blues du désert ou du blues Touareg. Ça a été créé dans les années 80 pour exprimer en fait les souffrances du peuple Touareg. Et ça a connu un essor ensuite, où c'est devenu un peu plus connu. Donc voilà, on écoute Imanin Baz Zioun de Tammy Crest. Dad, salil medajer qanit kubsan La prochaine chanson qu'on va écouter vient de groupe Songhai Blues. Alors Songhai, en fait, c'est le nom d'une ethnie qui est métisse, qui est très proche culturellement des Touaregs. Donc en fait, c'est un mélange entre plusieurs ethnies, entre les Soninké, les Peuls, les Gourmanché et les Touaregs. Donc les membres de ce groupe sont originaires du nord du Mali et ils ont été contraints de fuir dans le sud du pays parce qu'en 2012, il y a un groupe islamiste Touareg qui a imposé la charia dans leur ville natale. Et oui, malheureusement, les Touaregs, certains ont succombé, on va dire, à une forme d'extrémisme. Et donc, ils sont partis à Bamako. Ils ont voulu recréer l'ambiance du Mali du Nord en jouant un peu ce blues du désert, justement. Et ils ont assez vite connu un certain succès auprès des Songhai et des Touaregs présents à Bamako. On va écouter Nord Mali de Songhai Blues, qui est un peu une ode avec peut-être un peu de nostalgie aussi du coup pour cette manière de vivre typique de là-bas. Thank you. kari nordi mali yer makoyi nordi mali yer kawu yebu nordi mali andurunya irbunda mara futu irizishi macho matukuluzum jiben arbunda heri futu irbunda witi futu irfaranda ngare ibobo watukul kalasara jina nga madam yer makoyi nordi take me back to my country, where people are starving and hungry. Don't judge me, the things they do is a fuckery. What do you mean these kids are in need? No money and nowhere to sleep, but trust it only gets deep. Education is not cheap, but that's what these youths need. So take me back to my home, we want peace, we wanna breathe. Not grieve, you chief, ain't trying to be 6 feet beneath the land they told us to leave. That's why we asylum seek to the UK where our lives is peak. Some once lost down a week, the same ones had a shot at sea. And still trying to rob us of culture, so we gotta stay true to the nation. Make money, rebuild our foundation, put an end to the constant hating. And wise up cause Africa's waiting, wise up cause Africa's waiting. On va maintenant se rendre en Côte d'Ivoire. Cette chanson, elle est liée à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alors, je ne sais plus l'année, par contre, mais c'est le moment où Laurent Gbagbo s'est présenté aux élections. Il a été donné perdant par la commission électorale indépendante et presque toute la communauté internationale. Mais il a quand même pris le pouvoir et a refusé de le quitter. Bon, finalement, dans l'histoire, il a fini par être incarcéré, puis acquitté en attente d'un nouveau procès, et aujourd'hui, il vit en Belgique. Donc voilà. Mais à ce moment-là, où il avait pris le pouvoir et refusait de le quitter, le reggae-man très connu internationalement, Tikenja Fakoli, a fait une chanson avec Didier Awadi, qu'on va retrouver plus tard, qui s'appelle tout simplement « Quitte le pouvoir ». Et donc voilà, il s'adresse à Laurent Gbagbo en lui demandant de quitter le pouvoir dans cette chanson. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Right. TBS Radical Man, ouais, non, mané, quota. Qu'on a marre, on vit dans le cesse, on dit qu'on a marre, on a pas de pain, on dit qu'on a marre, tout le pop, tous les gosses, tous les mecs, qu'on a marre. Tu gouvernes mal, ton gouvernement mal, détourne mal, les comptes monumentales, vis dans le mal, tu le fais dans le mal, il est donc évident que tu pêches dans le mental, pas d'évolution, mal libère le peuple, fais le vide, fais le bien, mal libère le peuple, et pense à demain, mal libère le peuple, tu le fais pour le vent, tu le fais pour le peuple, reste tout le temps, tu nous pourris le temps, pas le moins de changement, tu nous pourris le temps, pas de boulot, pas les heures, tu nous pourris le temps, l'avenir tout le temps, tu nous pourris le temps, une seconde de trop, une minute de trop, un cadavre de plus, un cadavre de trop, le mandat de plus, c'est le mandat de trop. On a marre, on dit qu'on a marre, on vit dans le stress, on dit qu'on a marre, on a pas de patin, on dit qu'on a marre, tout le pop, tous les gosses, tous les mecs, on a marre. Voilà la portée, sort dans le calme, pas de balle, pas de sang, tu sors dans le calme, yo, voilà la portée, sort dans le calme, t'es qu'à la vie, sort dans le calme. Dites-le au pouvoir, dites-le au pouvoir, je t'ai dit, dites-le au pouvoir. Dites-le au pouvoir, dites-le au pouvoir, je t'ai dit, dites-le au pouvoir. Laisse tomber l'histoire, tu sais bien pourquoi. Monsieur le président, sans incident, quitte le pouvoir. Laissez tomber l'histoire, vous savez pourquoi, monsieur le président. Quittez le pouvoir, monsieur le président. Si vous aimez votre peuple, quittez le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, j'ai fait du quitte le pouvoir. Voilà, et on va continuer du coup notre petit voyage en passant par le Sénégal, du coup pour écouter J'accuse de Didier Awadi. Donc on l'a entendu dans la chanson qui vient de passer avec Tidkenja Fakoli. Cette fois-ci, il est en solo et la chanson s'appelle J'accuse. Et je vais pas vous la présenter plus que ça, je crois qu'elle parle d'elle-même. Après les comptoirs coloniaux de l'ère coloniale, les comptoirs idéologiques de l'ère atomique. J'accuse les USA de complot contre l'humanité, de non-respect des résolutions du Conseil de sécurité. J'accuse l'Amérique d'ingérence dans les affaires privées, quand ils vont en Somalie, où est le respect de la dignité. Moi j'étais très content de voir les Somaliens les jeter. On devrait juger Truman pour crime contre l'humanité. Comment peut-on accepter, dis-moi, de telles atrocités? Hiroshima, Nagasaki, les séquelles sont toujours là ancrées. J'accuse George Bush d'être un véritable boucher. Mentir sur les armes chimiques, où est donc la moralité? Tribunal pénal international, fiche, laisse-moi rire. Instrument de propagande, pour une politique du salir. Pour Nixon, pour Clinton, pour Bush, c'est devenu moral. Mais pour Saddam, Milosevic, ou Pinochet, là, c'est immoral. Je ne juge pas, je ne dis pas que ces hommes, c'est des saints. Mais je n'accepte pas des formatés. CNN, ABC, c'est malsain. J'accuse les USA de se prendre pour les gendarmes du monde. Arrêtez Noriega, président d'une république c'est immonde. Je somme l'Amérique de reconsidérer la peine africaine. Regardez votre pays, votre peuple, vos esclaves, je le dis sans haine, je continue. J'accuse aussi la France de crimes contre l'humanité. Trop de morts en Centrafrique, je ne pourrais pas les oublier. Vous oubliez, un peu trop vite, tous les tirailleurs sénégalais. De force enrôlée, déportée, aujourd'hui expulsés, ils sont venus. Ils se sont battus, ils ont vaincu, votre pays détruit. Ils sont revenus et ils ont reconstruit. Ils sont venus, ils se sont battus, ils ont vaincu, votre pays détruit. Ils sont revenus, ils ont reconstruit. J'accuse aussi la France d'irresponsabilité devant l'histoire. Trop de coups d'État en Afrique sont commandités par eux dans le noir. Au Comores, au Dahomey, au Congo, au Rwanda, je m'arrête là. Mais la France fait trop de dégâts, c'est pour ça que j'accuse Giscard d'être un complice de Bokassa. Bokassa paye sa dette, Giscard est libre, et pourquoi ça? J'ai dit que la France est très ingrate quand elle parle de visa. Quand nos pères sont partis mourir pour elle, y avait pas de visa. Non, y avait pas de visa. J'accuse la France d'être impartiale quant à la Libye. L'attentat du décennie c'est grave, mais la bande à Ouzou, on a des alibis. On tape sur les pauvres, on tape sur la Libye. Comme les USA ont tué les enfants et la famille de Khadafi. J'accuse toute l'Afrique d'irresponsabilité chronique. Nos présidents, nos dirigeants d'être égoïstes et cyniques. Ils veulent du pouvoir, encore du pouvoir, tout le pouvoir. Une fois au pouvoir, promet des choses sans le pouvoir. Ils ont vendu l'Afrique, ses richesses et même ses plages. Ça signe des pailles, des accords, est-ce qui m'enrage? Quand tu vas dans une banque, si elle est bien, c'est qu'elle est étrangère. Tu te crois indépendant, rêve, c'est le colon qui gère. Gère même la monnaie dans les coffres de la Banque de France. Gère même notre or dans les coffres de la Banque de France. Voilà pourquoi on dévalue, voilà pourquoi moi j'évalue. Mes chances à zéro, je me libère et j'évolue. Je me libère et j'évolue. J'accuse les jeunes africains, donc moi y compris, d'être des fous, des naïfs et de n'avoir rien compris. Tant qu'on sera là à dormir, rêver de sortir du pays, on laissera la place aux coopérants, on est aux colons qui pillent. J'accuse les présidents africains d'être des fachos, des faillots, à la solde de l'Occident, des collabos, entre ceux qui ne veulent pas l'indépendance, ceux qui refusent l'unité. Je me demande encore tous les jours comment me sortir de ce merdier. J'accuse les pays membres du Conseil de sécurité de semer la zizanie dans nos pays sous-développés. Pompiers pyromanes, ils vendent des armes, ils sèment la mort, ils sèment des génocides. Ensuite on vient les condamner. J'accuse la Belgique d'avoir tué Lumumba, non content de nous ruiner, comme des chiens on nous abat. Leader indépendant, le colon il n'en veut pas. Il va envoyer son frère le descendre. On a vu Sankara. On a vu Sankara. Je continuerai bien de les accuser encore pendant des heures, mais c'est pas ça qui changerait quoi que ce soit à leurs erreurs. Mon but est d'éveiller les consciences, provoquer des réflexions, histoire que toi et moi, on trouve des solutions. Ce texte est donc un requiem pour toute l'humanité. Ce texte est donc la peine d'un prolétaire qui est exploité. Ce texte est écrit avec le sang des oppressés. Ce texte est gravé sur la pierre tombale d'un opprimé. C'est consigné, j'arrête ici ma plaidoirie. Mais ici même dans la salle, je vois encore la hyène qui rit. Je vois encore la hyène qui rit. Maintenant, nous allons nous rendre au Maroc et on va changer un peu de style musical puisqu'on va écouter un groupe de punk rock engagé qui s'appelle Aoussa et la musique s'appelle Human Insanity. في دوك العلماء في دوك الظلماء يقصد خونا بقى maintenant, on va terminer notre voyage pour nous rendre en Tunisie. Donc, on va écouter plusieurs chansons, par contre, puisqu'effectivement, avec la révolution tunisienne, il y a eu, on va dire, son lot de chansons contestataires qui est passé par là. Donc, notamment, la chanson la plus connue est la chanson « Raïs le Bled », qui veut dire « président du pays », qui a été chanté par Hamada Ben Amor, plus connu sous le nom de El Général. Et donc il a écrit cette chanson donc en réaction à l'immolation de Mohamed Bouazizi le 17 décembre 2010. Donc ça a été le point de départ de la révolution en Tunisie, hein. Donc Hamada Ben Amor a été arrêté en fait suite à la publication de ses chansons. Et relâché 3 jours plus tard sous la pression des manifestations. Sa chanson a vraiment eu une portée politique très très forte, puisqu'il y a même des journalistes du Times qui l'ont considéré comme étant l'hymne de la révolution tunisienne et du printemps arabe en règle générale, notamment des manifestations au Caire. Et je vous ai retrouvé en fait les paroles de cette chanson. Donc, où il s'adresse du coup directement au président en place. J'ai oublié son prénom, c'est pas grave. Donc voilà, il dit « Président du pays, aujourd'hui je m'adresse à toi en mon nom et en celui du peuple entier qui vit dans la souffrance. En 2011, il y a encore des gens qui meurent de faim, le peuple veut travailler pour vivre, mais sa voix n'est pas entendue. Descends dans la rue et regarde autour de toi, les gens sont traités comme des bêtes, regarde les flics à la matraque, tac tac, impunément, puisqu'il n'y a personne pour leur dire non, même la loi et la constitution, ils n'en ont rien à foutre. Chaque jour, j'entends parler d'une affaire montée de toutes pièces. Pourtant, le pouvoir sait qu'il s'agit d'un citoyen honnête. Regarde les flics taper sur les femmes voilées. Est-ce que tu accepterais ça pour ta fille? Ce que je raconte est malheureux puisque tu es un père et que tu ne voudrais aucun mal à tes enfants. Alors dis-toi que ce message t'est adressé par un de tes enfants. Nous vivons dans la souffrance comme des chiens. La moitié du peuple vit dans l'humiliation et à goûter à la misère. Président du pays, ton peuple est mort, les gens se nourrissent dans les poubelles, regarde ce qui se passe dans le pays, les soucis sont partout, les gens n'ont plus où dormir. Aujourd'hui, je parle au nom du peuple, écrasé par le poids de l'injustice. Président du pays, ton peuple est mort, les gens se nourrissent dans les poubelles, regarde ce qui se passe dans le pays, les soucis sont partout, les gens n'ont plus où dormir. Aujourd'hui, je parle au nom du peuple, écrasé sous le poids de l'injustice. Président du pays, tu nous as dit de parler sans crainte, voilà, j'ai parlé, mais je sais ce qui m'attend, et ce n'est que des coups. Je vois beaucoup d'injustices, voilà pourquoi j'ai choisi de parler. Pourtant, beaucoup m'ont mis en garde. Jusqu'à quand le peuple tunisien doit-il vivre dans les rêves? Où est la liberté d'expression? Je n'en ai vu que le nom. Tu appelles la Tunisie la verte. Mais président, regarde, elle est devenue un désert coupé en 2 blocs. Il y a ceux qui volent aux yeux de tous. Pas besoin de les nommer, tu sais très bien qui sont ces gens. Beaucoup d'argent devrait aller aux projets, aux réalisations, aux écoles, aux hôpitaux, aux logements. Mais les fils de chiens, avec l'argent du peuple, ils se remplissent le ventre. Ils voient, ils pillent, ils se servent. Pas un siège ne leur échappe. Le peuple a tant à dire, mais sa voix ne porte pas. S'il n'y avait pas cette injustice, je n'aurais pas besoin de parler. Président du pays, ton peuple est mort, etc. etc. Après la révolution tunisienne, il est revenu avec Raïs le Bled 2. Et on va en parler, mais tout d'abord, on va écouter déjà cette chanson. هاني اليوم نحكي معاك باسمي واسم الشعب الكل اللي عايش في الاعذاب 2011 مازال فما شكون يموت بالجوع حاب يخدم باش يعيش لكن صوته مش مسموع اهبط للشارع وشوف العباد ولات وحوش شوف الحاكم بالمتراك تاكا تاك ما على بالوش مادام ما فما حد باش يقول له كلمه لا حتى القانون اللي في الدستور نفخ وشرب ماه كل نهار نسمع قضيه ركبوها له بالسيف بورطون الحاكم يعرف اللي هو عبد نظيف نشوف فلاح ليش تهرب فنسان لما تحاجبين زعما ترضاها لبنتك عارف كلامي بك العين عارف مدامك بو ما ترضاش الشر لصغارك الور هذا ميساج عبارة واحد من صغارك تحكي معاك من الصفرانس رانا عايشين كل الكلاب اشترى الشعب عايشين الذل وثاقوا من كاس تعذير رئيس البلاد شعبك بيد برشعب يدمس بلاك لاد هاك تشوف اش قاعد صاير في البلاد مقاسي بارتو وناس ما قادش وين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالسرقات رئيس البلاد شعبك بيد برشعب يدمس بلاك لاد هاك تشوف اش قاعد صاير في البلاد مقاسي بارتو وناس ما قادش وين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالسرقات رئيس البلاد وطلي يحكي من غير خوف انا حكيت لك انا عارف اللي نهايتي كالكفوف نشوف في برشا ظلم هذاك علاش اخترت كلام بورطا وصوني برشا عباد اللي نهايتي كان الاحلام لكن الى متى التونسي عايش في الاوهام وينها حريه التعبير ريت منها كان الكلام سميتو تونس بالخضراء رئيس البلاد هاك تشوف اليوم البلاد ولا الصحراء مقسومه على زوج طروف سرقات بالمكشوف بالغوره ملكو البلاد من غير ما نسمي انت تعرف شكون مهالعباد برشا فلوس كانت ماشيه مشاريع وانجازات مدارس صومي صحات بناءات وتعديلات لكن ولات الكلاب فلوس الشعب عباو الكروش سرقوا نهبوا فكوا خطفوا في الكراسي ما سيبوش نعرف لي برشا كلام في قلب الشعب ما يوصلش كان جا الوضع من غير ظلم راني اليوم ما نتكلمش رئيس البلاد شعبك بيد برشا عباد من زبلك لاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مقاسي بارتو وناس ما قادش وين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالسرقات رئيس البلاد شعبك بيد برشا عباد من زبلك لاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مقاسي بارتو وناس ما قادش وين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالسباط اوكي صوت البلاد جنرال 2011 نفس الحال نفس المشاكل والسفرانس رئيس البلاد رئيس البلاد رئيس البلاد شعبك بيد برشا عباد من زبلك لاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مقاسي بارتو وناس ما قادش وين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالسرقات رئيس البلاد شعبك بيد برشا عباد من زبلك لاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مقاسي بارتو وناس ما قادش وين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالسباط Voilà, c'était Reyes le Bled et en fait il a fait, bah, comme je le disais tout à l'heure, Reyes le Bled 2, donc quelques années, je crois du coup c'est 2014, c'est ça, elle est sortie, donc après la révolution, et donc le clip de la chanson commence et c'est marqué Révolution numéro 2 avec une barre de chargement et quand elle arrive à 100% le clip démarre. Et en fait, du coup, cette fois, il s'adresse à Monsif Marzouki, donc qui est le président du pays en 2014, en tout cas à ce moment-là. Et du coup, il dit, voilà, dans la chanson, en gros, bah, c'est toujours la même situation, les mêmes problèmes, la même souffrance. On n'a pas fait une révolution pour que tu deviennes président de ce pays. Et on en a marre des mêmes mensonges, quoi. En gros, voilà, j'ai pas trouvé toutes les paroles, juste quelques passages. Et vous allez voir que cette version 2 de Reyes le Bled déménage encore plus. Ouais. Reyes le Bled. Chkoun li qa'ad yuhkou fil le Bled. 2014. Nafs el hal. Nafs el mashakel wa souffrance. Ouais, Tunis. ياخي عملنا ثورة باش انتي تكون رئيس البلاد تكون كيف العباد اعرف ومقطع من البلاد بلادي تتعذب تتوجع كل مرة بطريقة بلادي بكو بلادي باش تموت لازم أزرقة تحسوا بينا رانا كره للاستبداد رانا فدينا من الكذب من كلامكم نمعاود الشعب يعاني حتى السقين حفاد البو عيني هبكات يشوف في صغار وبيته من غير مكلات معسات البلاد قريب تتشمع حكومة لهية في الفلوس تجمع ما على بالهم شي زوالي بيت عينيه يدمع بالقمع كل فصورة بعضها تلمع شنو الفرق بيكم وبين التجمع شبيكم مفقد وسمع ولا صوت الثورة ما عادش يسمع ثبت علينا في بن عملنا ثورة منها شي مخينا بالحرية شفينا كان الهم جينا رئيس البلاد رانا فدينا من القمع والاستبداد طب تشوف اش قاعد صاير في البلاد شعبك مات حتى الخبز علينا غلاب عصونا بالصبات والولاد كواب ما زلنا نعيشوا في نفس المعاناة عملنا ثورة في بنا تونس نسات ناس ما تتباش ناس اليوم حياة في بنا ديكتاتورية ومشات مرزوقي شبيك ما كتبتش اسمك في الكتاب الاسود تي ما هي تونس خبزة كتو عليكم متقسمت تونس ضايعة فكوها بالسيف كثرة اليدين عليها بين مصطح ونظيف يا تونس بنية صغيرة كثروا عليها خطاب كل واحد فيكم حالل في وجهها الابواب خرجنا ترابزية جبنا ترابزية جدد هما في قصر رئاسة واحنا تحت الحيط في البرد ولادنا ماتوا في البحر خرجوا طيج الورد عطيناكم ثقتنا قلدوا ثورتنا بالفرد نشوف بلادي عم المشي بالتوالي يا اخي هذه حكومة ثورة ولا حكومة بن علي حتى تونس البلاد ما يحبوش دهنا البلاد حبوها بلاد فساد هما يدوروا الاقتصاد هاك علاش تلقاها مسبوصوري زي من حزب النخلة يتعاركوا على تونس شكون يدخل ليلة الدخلة رئيس البلاد رانا فدينا من القمع والاستبداد طب تشوف اش قاعد صاير في البلاد شعبك مات حتى الخبز علينا غلاب عصونا بالصبات والولاد كواب ما زلنا نعيشوا في نفس المعاناة عملنا ثورة في بنا تونس نسات ناس ما تتباش ناس اليوم حياة في بنا ديكتاتورية ومشات التونسي كره بلاده زيد السياسة وفاتو الحكومة كلات له حقه طيشته ورماتو بعد الثورة باش يتبدل حالو هذاش ماشي في باله طلع الكل كذب يطلعولو في مورالو حبينا بلادنا تكون كيما حبيناها تكون رئيس يسون بلادو وجامي شعبو يخون خسارة ثورة الياسمين باعت برخص اسوام زادوا قتلوها حقوا عليها بالاعدام رجع للتاريخ تلقى تونس من اولها فساد الحكاية بدات اختيال فرحة حشاد الغاتي ولاد الكلاب باعوا الثروات زادوا بلعوا البلاد مع العالم بالقروفات بلادي تستغيث هل منكم مجيب اللعبة شكانات كل واحد شيطان في الجيب اليوم نحب الشعب يكمل الثورة للاخر قبل ما تونس تبخر والثورة تتبخر رئيس البلاد رانا فدينا من القمع والاستبداد طب تشوف اش قاعد صاير في البلاد شعبك مات حتى الخبز علينا غلاب عصونا بالصبات والولاد كواب ما زلنا نعيشوا في نفس المعاناة عملنا ثورة في بنا تونس نسات ناس ما تتباش ناس اليوم حياة في بنا ديكتاتورية ومشات فدينا من القمع والاستبداد طب تشوف اش قاعد صاير في البلاد شعبك مات حتى الخبز علينا غلاب عصونا بالصبات والولاد كواب مازلنا نعيشوا في نفس المعاناة عملنا ثورة في بنا تونس الزاد ناس ما تبقاش ناس الوحدات في بنا ديكتاتورية ومشات. Et on va rester en Tunisie pour une dernière chanson avant de clore cette musicale. Et donc on va retrouver Didier Awadi qu'on a entendu avec la chanson J'accuse. Et cette fois-ci en featuring avec un Tunisien, Sami Dorbrez. Et donc c'est une chanson qui s'adresse du coup également au président de la Tunisie avant qu'il se fasse jarter. Du coup, la chanson s'appelle tout simplement « Dégage ». Le message est assez clair et on ne peut pas s'empêcher d'avoir une petite pensée pour Macron en entendant ça. Alors « Dégage » de Didier Awadi et de Sami Dorbrez sur Radio Cayenne. Vas-y dégage, Revolution Time. Vas-y dégage, Sami Dorbrez, Manko Lawadi, Sukundan International. Vas-y dégage, يا حل دégage, vas-y dégage, يا معلم خلي تحيا الإنسانية, شعبي على الحرية قادم والثورة في دم سخية. ارحل دégage, vas-y dégage, يا معلم خلي تحيا الإنسانية, شعبي على الحرية قادم والثورة في دم سخية. Simuler, toujours prêt à s'immêler. Si pour les sacrifices, dis-leur qu'on va s'immoler. Qu'on boise ici en vérité, nous on n'a rien à perdre. Car ce qu'on a en vérité, bah c'est une vie de merde. On a beau dire, répéter, t'en as rien à faire. Tu gères tes deals, ta mafia, tu gères tes affaires. C'est pour ton clan, ton parti, ta famille et ton fils. Et après toi, c'est le chaos, je vois très bien la bise. Le peuple n'aura peanuts, le trésor peanuts. Et dans les caisses de l'État, tu laisses peanuts. qu'a volé l'or, tout l'argent est à vider. Les comptes la nuit, même la plus longue, on est le jour, on va régler nos comptes. Dégage. Sur le baise, tu voudrais qu'on se taise. Comment se taire, ça fait si longtemps qu'on nous baise. L'abcès, je crève et dans les rues, tout le monde en grève. C'est comme au Caire, sur la place, y'aura pas de trêve. Tire sur la foule, quand on peut que tombe. L'amour, on l'apprivoise, à la longue, on s'est creusé des tons. L'armée, les généraux, les blindés ne feront pas céder. Fuck tes bombes, rien n'arrête un peuple décidé. Trop c'est trop, on en démarre, on dit trop c'est trop. La révolution voit le jour, parce que trop c'est trop. Sans embâche, bavardage, pas de marchandage. Ferme la page, plus bagage, démarrage. Vas-y dégage. Vas-y dégage. Vas-y dégage. Vas-y dégage. Vas-y dégage.